Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Aujourd'hui, nous allons faire le top cruise du plus iconique. Ok. Top. C'est le top cruise. Alors Serena, qu'est-ce que c'est que ce top cruise du plus iconique? C'est quoi? C'est des moments, c'est des personnages, c'est l'icône quoi. À quel moment ça devient? Alors j'ai pensé pas du tout les personnages, mais plus. Tu penses Tom Cruise, tu penses quoi? C'est quoi les trucs qui restent? C'est les trois premiers trucs qui arrivent. Okay. Et en fait, c'est assez simple. Okay. Parce que au numéro 3, il faut absolument dire la danse de Risky Business. Oui. Qui est resté cité des milliards de fois dans toutes les séries, dans tous les films. C'est plus que ça. En fait, les films, il est passé complètement derrière cette danse. Donc, moment assez iconique. Oui. Numéro 2, bien sûr, Top Gun. Oui, avec 2 millions de citations. À la seconde. C'est incroyable. Oui. Tu cites... En fait, même les personnes qui n'ont pas vu Top Gun peuvent citer... Oui. Des phrases des Top Gun. Et ça, c'est incroyable quand même. Et qui voit... Bon, bref. Sans parler du volleyball, scène iconique par excellence. Donc voilà, c'est un film... je ne sais pas comment ils ont fait, mais ça, c'est arrivé. Ils ont... Voilà. Iconique. Et numéro uno. C'est vraiment le Mission Impossible 1 avec le fil. Ouais. Parce que je pense, peu importe toutes les cascades que Tom Cruise fera dans sa vie, cette image-là du fil est restée à toujours gravée dans la mémoire de tout le monde. Je sais pas. Ça a été repris dans tous les sens. Reprise. C'est pareil, dans les scènes reprises comme ça, c'est. Et c'est vraiment une image qui fait à elle-même tout le. Tous ces rapports de Tom Cruise aux cascades. Les autres, ils n'auront jamais une image aussi forte, aussi puissante. Quoi. Ah ouais. Et voilà. Et ça, c'est les tops. Pour moi, c'est vraiment le truc iconique de Tom Cruise. Je pense à cette image. C'est fou. C'est indissociable. Eh ben voilà, ça mérite d'être clair, ces trois moments iconiques. C'est pas clair. Assez clair. C'est hein. Basique. Hein. Ouais, mais efficace. Bon, c'est les trucs, c'est les images. C'est les évidences. Les évidences, quoi. Ouais. Les images en tête. Eh bien, voilà. Merci beaucoup, Serena. Eh bien, merci, Paulin. À demain. À demain.